بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ها نحن نستأنف دروسنا في تفسير كلام ربنا تبارك وتعالى. On reprend donc aujourd'hui les cours dans l'exégèse de la parole d'Allah تبارك وتعالى. Notre Seigneur, notre Créateur, celui qui nous a créés pour l'adorer. Et certes, vous connaissez, oh chers frères, l'importance du sujet. فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَلَى خَلَقَنَا لِعِبَادَتِهِ وَأَرْسَلَ رُسُلًا وَأَنْزَلَ كُتُبًا لِهِدَايَةِ الْخَلْقِ. Allah تَبَارَكَ وَتَعَلَى nous a créés pour l'adorer. Il a envoyé des messagers, a fait descendre des livres afin de guider ses créatures. Il est donc important d'étudier le livre d'Allah. Et aujourd'hui, on va commencer avec une sourate, sourate al-Mulk, qui est la première sourate du Juz Tabarak, l'avant-dernier juz du Coran. أخرج أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سورة في القرآن 30 آية تشفع لصاحبها حتى يغفر له تبارك الذي بيده الملك. Abu Daoud a cité dans son Sunan, selon Abi Hurairah radiyallahu anhu, que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: il y a une sourate dans le Coran qui a 30 versets qui va intercéder pour sahibiha, c'est-à-dire celui qui la récite. Cette sourate va intercéder pour celui qui la récite jusqu'à ce qu'il soit pardonné. Cette sourate est Tabarak alladhi biyadihi al-mulk. Et donc c'est sourate al-mulk. Wa hadhihi as-sura ayyuha al-ikhwa hiya suratun makkiyya. Cette sourate, c'est une sourate mekkoise qui a été révélée avant la hijra. Allah تبارك وتعالى dit dans son livre: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. Détient la bénédiction parfaite celui dont la royauté est entre ses mains et il est capable de toutes choses. Il est omnipotent. فقال الله تبارك وتعالى تبارك. Donc lorsque Allah تبارك وتعالى, il parle de lui en disant تبارك. Et certes, ce verbe ne peut être utilisé que pour Allah تبارك وتعالى. والمعنى هو الذي له في البركة غايتها. C'est celui qui détient la bénédiction parfaite et complète. وَقَدْ أَخْطَأَ مَنْ تَرْجَمَ هَذِهِ الْآيَا فَقَالْ béni soit celui qui a entre ses mains la royauté. Certes, se sont trompés ceux qui ont traduit ce verset en disant béni soit celui qui a entre ses mains la royauté, celui qui détient la royauté. Tu ne peux pas dire béni soit celui. Allah Tabaraka wa Ta'ala détient déjà la bénédiction parfaite. Et donc il est très important de bien comprendre cela. Alladhi biyadihi al-mulk, celui dont le royaume est entre ses mains, la royauté est entre ses mains. Fahuwa yatasarrafu fihi kayfa yasha. Et donc il fait ce qu'il veut de son royaume, Tabaraka wa Ta'ala. La yus'alu amma yaf'al. Il n'est pas interrogé concernant ce qu'il fait. Il fait ce qu'il veut. Voilà pourquoi les musulmans, lorsque un mal les touche, ils vont dire inna lillah. Certes, nous appartenons à Allah. Il fait ce qu'il veut, on lui appartient. Il fait ce qu'il veut. Wa inna ilayhi raji'un. Et c'est vers lui que nous retournerons. Fala mu'aqqiba li ahkamihi. Et donc personne ne peut s'opposer à ces décrets. L'ahkam al-shar'iyya wa la al-kawniyya. Que ce soit des décrets religieux, législatifs, ou alors les décrets universels. Allah décrète ce qu'il veut. Il décrète ce qu'il veut. Comme sont nombreuses les questions qui me viennent concernant l'héritage, les conflits. Mais pourquoi un tel a plus qu'un? Mais pourquoi? Allah décrète ce qu'il veut. Nous n'avons pas à nous opposer. Nous nous soumettons à Allah tabaraka wa ta'ala. Il fait ce qu'il veut. Alladhi bi yadihi al-muluk. Wa fi hadha takhfif lil muslim lima yusibuhu min al-mashaq. Li'an al-amr kulluhu bi yadillah. Il y a en cela un apaisement pour le musulman. Pour le tout mal qui va le toucher. Il se rappelle que tout est entre les mains d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Celui dont il est sûr qu'il lui veut du bien. Celui dont il est sûr qu'il lui veut du bien. Celui qui nous dit, tabaraka wa ta'ala, yuridu Allahu liyubayyina lakum. وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَيَتُوبَ عَلَيْكُمْ. Celui qui veut vous montrer et vous guider sur les voies de ceux qui vous ont précédé et vous pardonner. Et donc tu sais que lui, il te veut ton bien et tout est entre ses mains. Alors tu es apaisé de ce qui t'atteint, de ce qui te touche. وَفِي هَذَا تَحْدِيدٌ لِمَنْ عَصَى. Il y a aussi en cela une menace pour celui qui désobéit à son Seigneur. Car encore une fois, tout est entre ses mains. Il fait ce qu'il veut de ses serviteurs. إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ. S'il veut, il le châtie. Et s'il veut, il lui pardonne. تَبَارَكَ وَتَعَالَى. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ. Il est capable de tout. لَا يُعْجِزُهُ شَيْءٍ. Rien ne lui est impossible. تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et c'est pour cela qu'il nous dit Allah تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ. Et il n'est pas convenable, ce qui est voulu ici, mais qu'en est, ici, on aurait pu traduire en français par « il n'est pas convenable », mais ce qui est voulu ici, c'est « il est impossible ». Cela ne peut pas arriver. Cela ne peut pas arriver que Allah tabaraka wa ta'ala ne puisse pas faire quelque chose dans les cieux ou sur la terre. Il fait ce qu'il veut. Il a autorité sur toute chose. Et ensuite, le deuxième verset, il dit tabaraka wa ta'ala, Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Celui qui a créé la mort et la vie, afin de vous éprouver lequel d'entre vous accomplira les meilleures œuvres. الذي خلق الموت والحياة. Celui qui a créé la mort et la vie. فهو قدر لعباده الموت والحياة. Il a déterminé la mort, il a décrété la mort et la vie pour ses serviteurs. ويذكرنا ربنا تبارك وتعالى أنه خلقنا من عدم. Et ici, Allah tabaraka wa ta'ala nous rappelle qu'il nous a créés à partir de rien. On n'existait pas. Nous étions inexistants, le néant. Et ce, comme dans sa parole, tabaraka wa ta'ala, qui fait tadfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum. Comment pouvez-vous mécroire en Allah alors que vous étiez morts et il vous a donné la vie? Ibn Kathir dit, rahimahullah ta'ala, فَسَمَّ الْعَدَمَ مَوْتًا. Et donc Allah, il a appelé l'inexistence, le néant, il l'a appelé mort. Et donc ici, Allah, il nous montre, c'est lui qui a créé la mort et la vie. C'est lui qui nous a créés à partir de rien. Nous étions du néant, inexistant. Il nous a créé. Comment pouvons-nous mécroire en lui après cela? Tabaraka wa ta'ala. Fa khalaqa al-maut wal-hayat. Il a créé la mort et la vie. Liyabluwakum. Afin de vous éprouver. Fa amarana wa nahana. Il nous a donc ordonné des choses et interdit d'autres choses. وَابْتَلَانَا بِشَهَوَاتِ. Et il nous a éprouvés par les tentations. هَذِهِ الشَّهَوَاتِ الْمُخَالِفَ لِأَمْرِهِ وَنَهْيِهِ. Ces tentations qui vont être contraires à ses ordres et ses interdits. Allah tabaraka wa ta'ala qui nous ordonne. Inna ardi wasi'ah. Ô vous qui avez eu la foi. Certes, ma terre est vaste. Fa'iyaya fa'budun. Alors, adorez-moi. Ça, c'est un ordre pour quoi? Pour la hijra. Et ensuite, Allah tabaraka wa ta'ala a placé des tentations pour nous éprouver. Qui sont ceux qui vont obéir et qui sont ceux qui vont succomber à la tentation? Ceci est un exemple parmi tant d'autres, que ce soit parmi les ordres ou parmi les interdits. Et donc il est très important, barakallahu fikoum, de comprendre ce sujet et de l'appliquer. Allah, il nous a créés pour l'adorer et il nous éprouve afin qu'apparaissent clairement les pieux. Mais كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. Il n'est pas convenable, Allah, de laisser les musulmans dans la situation dans laquelle vous êtes, mélangés entre les bons et les mauvais, jusqu'à ce qu'ils distinguent les bons des mauvais. Les savants, ils nous disent, Allah tabaraka wa ta'ala distingue les bons des mauvais, il met en évidence les bons des mauvais par les épreuves. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa lam yakul aktharu amala. Et il n'a pas dit, afin de vous éprouver lequel d'entre vous aura accompli le plus d'œuvres. Mais il a dit ahsanu amala, les meilleures œuvres. Idhan laysat al-ibratu bil kathra. Et donc, ce n'est pas le nombre, le grand nombre qui est recherché ici. Al-Fudayl ibn Iyad rahimahullah, il dit ici akhlasuhu wa aswabuhu. Les meilleures œuvres, ce sont les œuvres les plus exclusives et ce sont les œuvres les plus en accord. Il fut interrogé, mais qu'est-ce qui est plus exclusif et qu'est-ce qui est plus en accord? Akhlasuhu makana lillah wa aswabuhu makana ala sunnah. Et donc les œuvres les plus exclusives, ce sont celles qui sont faites pour Allah. Et les œuvres qui sont plus en accord, c'est-à-dire en accord avec la sunna. Les œuvres qui sont les plus correctes, excusez-moi, les œuvres les plus correctes, c'est-à-dire ce sont des œuvres qui sont en accord avec la sunna. Et donc le musulman doit s'efforcer d'accomplir des œuvres pour Allah et qui sont en accord avec la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite Allah qui nous dit « Wa huwa al-aziz ul-ghafour » Al-aziz, le tout-puissant. Al-ghafour, celui qui peut tout pardonner. Et donc nous devons nous repentir et ne pas désespérer de nos péchés. Il continue, tabaraka wa ta'ala, الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Celui qui a créé sept cieux superposés, tu ne vois pas de disproportion dans la création du tout miséricordieux. Regarde encore, farji'il basara. Regarde encore, retourne ton regard. Est-ce que tu y vois quelconque brèche? Celui qui a créé les sept cieux superposés. Nous voyons les cieux tous les jours, nous voyons le ciel. Cette créature immense, si belle. Et à chaque fois, Allah Tabaraka wa Ta'ala ici, il nous appelle à méditer sur cela. فَلَيْسَ فِيهَا اخْتِلَافٌ وَلَا تَنَاقُدٌ. Il n'y a pas dans la création des cieux, il n'y a pas de manquement, il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de disproportion qui fait qu'on voit un défaut entre un ciel ou un autre. Mais au contraire, certaines personnes qui regardent peuvent penser qu'il n'y a qu'un seul ciel par cette création parfaite d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. فَهَذِهِ السَّمَاءِ كَامِلَةٌ دَلَّةٌ عَلَى قُدْرَةِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Et donc ces cieux sont parfaits et sont une preuve montrant la puissance d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. لِذَا أَمَرَنَا رَبُّنَا بِتِكْرَارِ النَّظَرِ إِلَيْهَا. Et c'est pour cela que Allah, il nous ordonne de regarder plusieurs fois le ciel afin de méditer sur sa création, afin de méditer sur sa puissance tabaraka wa ta'ala. Il nous dit farji'il basar, regarde encore une fois, retourne ton regard. Ya ibn Adam, ô enfant d'Adam, hal tara min futur, est-ce que tu vois une brèche, un défaut, un manquement, une fissure? Non. Alors qu'est-ce qui t'empêche d'adorer Allah tabaraka wa ta'ala? Et ensuite il dit encore tabaraka wa ta'ala thumma arji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Puis retourne le regard, regarde encore deux fois. Puis regarde encore deux fois. Qu'est-ce qui est voulu par là? Regarde encore deux fois. Est-ce que ça veut dire que tu dois regarder le ciel deux fois et ça y est, c'est bon? Non, ce qui est voulu par là, c'est regarde plusieurs fois. Regarde et continue à regarder, continue à méditer. Le nombre qui est cité, ce qui est voulu par ce nombre-là, c'est le fait de le faire plusieurs fois. Et ceci existe dans la langue arabe. Comme dans la parole d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, lorsqu'il dit « Istaghfir lahum » أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة لن يغفر الله لهم. Implore le pardon pour eux ou ne le fais pas. Même si tu implores le pardon pour eux 70 fois, Allah ne les pardonnera pas. Est-ce que ça veut dire que si le prophète avait imploré le pardon pour les munafiqines plus de 70 fois, là, Allah il aurait pardonné? Non. Ce qui est voulu, c'est que tu peux implorer le pardon pour eux autant de fois que tu veux. Et donc ici, Allah tabaraka wa ta'ala, il nous appelle à regarder encore et à méditer sur sa création tabaraka wa ta'ala. Et donc, regarde encore deux fois. Yanqalib ilayka al-basaru khasi'an. Ton regard retournera vers toi avili. Wa huwa hasir. Alors qu'il est faible et frustré. Si tu cherches des défauts dans la création d'Allah tabaraka wa ta'ala, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer à chercher des défauts, des manquements dans le ciel. Et ton regard retournera vers toi frustré. Il n'aura trouvé aucun défaut, aucun manquement à la création d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ensuite il dit, notre Seigneur, وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ. Certes, nous avons embelli le ciel le plus bas. السَّمَاءُ الدُّنْيَا. الدُّنْيَا, c'est-à-dire le plus bas. Ou alors, le plus proche aussi. On peut traduire, on peut utiliser les deux. Le terme « adna », il peut vouloir dire donc le plus bas ou alors le plus proche. Et donc certes, nous avons embelli le ciel le plus bas, le ciel le plus proche, avec des lampes, les étoiles. Et nous avons fait de celles-ci des projectiles afin de lapider les diables. Et nous avons préparé pour eux le châtiment de la fournaise. Et donc, ô chers frères, barakallahu fikoum, lorsqu'on regarde le soir ce ciel, tu le regardes pendant la journée comme il est beau, tu le regardes le soir, subhanallah, encore plus beau. Tu vois les lumières, tu vois les étoiles différentes d'un côté et d'un autre. Et donc, Allah tabaraka wa ta'ala a embelli le ciel avec les étoiles. Et il a fait de ces étoiles des projectiles qui sont envoyés sur les shayatines. Comme dans la sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui explique Mustalikus sam', celui, le diable, le shaitan, le djinn qui cherche à écouter les informations du ciel. Et donc les djinns sont les uns sur les autres afin de parvenir jusqu'au ciel et écouter les informations, écouter les décrets d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et lorsque un parvient jusqu'à là, alors un météore lui a envoyé. C'est ça qui est voulu ici. C'est ça qui est voulu ici. Et donc Allah tabaraka wa ta'ala a fait des étoiles, des projectiles qui sont envoyés sur les diables. Qatada, il dit, khuliqatil nujum li thalath. Les étoiles ont été créées pour trois raisons. Zinatan lissama, pour embellir le ciel. Rujuman lishayatin, pour lapider les diables. Et aussi, donc, hidayatan, et aussi pour guider les gens. Ou alors, alamat yu'tada biha, des signes que les gens utilisent pour se guider. Le soir, il y a des personnes qui connaissent ou qui connaissaient comment se guider en regardant le soir, en regardant les étoiles. Comment connaître le nord, le sud, etc. Et ici, les frères, ce sujet me rappelle un point. Le fait que certaines personnes vont utiliser le mot star. Vont utiliser le mot star pour certaines célébrités. Cette personne, c'est une star, ils disent. C'est quoi une star? Une star en anglais, c'est une étoile. Et c'est pour cela que même en arabe, parfois, quand ils veulent parler d'une célébrité, ils vont dire Fulan Najm, Anta Najm. Tu es une star. Et en réalité, subhanallah, c'est vraiment impressionnant comment les gens ont utilisé ce mot. Allah tabaraka wa ta'ala a créé les étoiles pour plusieurs raisons, et parmi celles-ci, le fait d'embellir le ciel. Est-ce que ces gens-là qu'on appelle stars, est-ce que ces foussaks, ces transgresseurs, embellissent la terre? Non. Allah tabaraka wa ta'ala a créé les étoiles pour lapider les diables. Est-ce que ces foussaks, ces transgresseurs, lapident les diables? Bel yarkusuna ma'ahum. Au contraire, ils dansent avec les diables. Allah tabaraka wa ta'ala a créé les étoiles pour la guider des gens, une lumière. Mais ces foussaks, ces transgresseurs vont, eux, quant à eux, ils égarent les gens. Et donc, on est arrivé au chers frères, on constate que les choses sont inversées à notre époque. Le bon est devenu mauvais, le mauvais est devenu bon. Et donc, il faut qu'on fasse très attention aux termes qu'on utilise. Surtout que le terme star, c'est un terme élogieux. Les gens, ils utilisent ce mot-là pour faire les éloges de quelqu'un. Un tel, c'est une star. Taïb, le terme star, c'est un terme élogieux alors. Est-ce qu'on peut faire les éloges des foussaks comme ça? Des transgresseurs? Des personnes qui montrent ouvertement leurs péchés? Tu fais leurs éloges? Et donc, il faut qu'on fasse très attention, barakallahu fikoum, à ne pas suivre la communauté quand celle-ci dévie. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit qu'il a donc préparé wa a'tadna lahum 'adhab as-sa'ir, et il a préparé la fournaise pour les diables. Il a préparé la fournaise pour eux. Ils sont soumis à lui. Il fait ce qu'il veut d'eux. Ils ne pourront pas s'en échapper. Et donc, pourquoi est-ce que les gens, ils ont peur des diables? Il y a des personnes qui ne viennent jamais à la mosquée. Jamais. Lorsqu'il a un djinn, mashallah, il va faire toutes les mosquées de la région. Toutes les mosquées de la région, s'il a un djinn. Il se peut qu'il voyage, il fait toutes les mosquées d'un pays pour chercher un raqi. Et donc c'est dans Allah wa ta'ala que nous devons avoir peur. وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ. Et ceux qui ont mécru en leur Seigneur auront le châtiment de l'enfer, et quelle mauvaise destination. فالذين كفروا بربهم الذي خلقهم وخلق هذه السماوات. Ceux qui ont mécru en leur Seigneur, celui qui les a créés, qui leur a donné la vie après la mort, et celui qui a créé ces cieux, ceux-là auront l'enfer, et quelle mauvaise destination. إِذَا أُلْقُوا فِيهَا سَمِعُوا لَهَا شَهِيقًا وَهِيَ تَفُورُ. Lorsque ceux-ci sont jetés dans l'enfer, donc les incroyants, ils vont entendre shahiqan. Et Sa'di rahimahullah, il nous dit, c'est un son terrifiant. Ils entendront un son terrifiant pendant que celle-ci ou que celui-ci, en français, c'est-à-dire l'enfer, bouillit. Pendant que l'enfer bouillit, takadu tamayyaz min al-ghayz, peu s'en faut que celui-ci n'implose, que l'enfer implose par rage. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. À chaque fois qu'un groupe sera jeté dans l'enfer, alors ses gardiens, les gardiens de l'enfer diront: est-ce qu'il n'y a pas un avertisseur qui vous est parvenu pour vous avertir de ce châtiment douloureux? Ils ne demandent pas parce qu'ils ne connaissent pas la réponse. Voilà qu'il n'a rien à su'el. Su'el ou ta'oubir. C'est une question pour les blâmer. Pour les blâmer. Lorsque le père il dit à son enfant: ne fais pas ça, tu vas tomber. Descends du canapé, tu vas tomber, je t'ai dit. L'enfant il n'entend pas, il tombe. Je t'avais pas dit de descendre. Et bien là, c'est question pour blâmer les incroyants. Et donc, ces gens-là seront châtiés. Dans ce châtiment douloureux. Elam ya'tikum nadhir. Allah tabaraka wa ta'ala, il montre aussi dans ce verset qu'il ne châtie aucun peuple avant d'établir sur eux la preuve, avant d'envoyer un messager. Ils ont tous lu un messager. C'est pour ça que les anges posent la question. C'est pour ça qu'ils demandent, parce qu'ils ont tous lu un messager. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Et nous ne châtions personne avant d'envoyer un messager. Nous ne châtions quiconque avant d'envoyer un messager. Quelle est la réponse de ces gens? Quelle sera leur réponse? Kolou. Ici, c'est du passé. Kolou, c'est du passé. Depuis tout à l'heure, les verbes, ils sont au passé. Et nous, on parle du futur. Naam, dans la langue arabe. Ici, pour montrer que cette chose va arriver de façon inévitable, Allah tabaraka wa ta'ala utilise cette formulation. C'est le passé. Lorsqu'il utilise donc le passé pour parler du futur. Dans la langue arabe, cela montre que cette chose va arriver de façon inévitable. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadhabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay' in antum illa fi dhalalin kabir. Subhanallah, quelle injustice. Ils ont répondu en disant: bien sûr, Un avertisseur est venu à nous, mais nous avons traité de mensonge. Et nous avons dit qu'Allah n'a rien fait descendre. Et certes, vous êtes dans un égarement, vous êtes dans un profond égarement. Ils ont rassemblé des énormités. Ils ont mécru au messager qui est venu à eux. Ils ont mécru en tous les messagers lorsqu'ils disent: Allah n'a rien fait descendre. Et donc là, c'est tous les messagers de toute façon. Donc, non seulement le nôtre, mais en plus tous les autres. Allah n'a rien fait descendre. Et ensuite, ils ont taxé les messagers et ceux qui les ont suivis d'égarés. Mais pire que cela encore, ils les ont taxés d'être dans un égarement profond. Quelle injustice! Et donc, ils auront le feu comme châtiment. وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. Et ils ont dit: si seulement on avait écouté et raisonné, nous n'aurions pas fait partie des gens de la fournaise. Ces gens-là, ils ont compris qu'ils ont fermé, qu'ils se sont privés eux-mêmes des causes de la guidée. Parce qu'ils n'ont pas écouté. Qu'est-ce qui est voulu par écouter? Écouter les prophètes. Écouter la révélation. Ils n'ont pas écouté la révélation. Il ne veut pas entendre. Et ils n'ont pas raisonné. Quant au signe que Allah Tabaraka wa Ta'ala leur a montré, ce ciel parfait, ces créatures parfaites, ils n'ont pas médité par rapport à cela. Et Allah Tabaraka wa Ta'ala, souvent dans le Coran, il nous appelle à méditer. Et donc ces gens-là, ils ont fermé les portes à ces deux causes de guider. Il est important, barakallahu fikoum, que le musulman ait ces deux éléments avec lui. Il écoute les textes de la législation. Ce qui est voulu par là, écouter le prophète, écouter la récitation. Comment est-ce qu'on peut écouter si nous-mêmes on ne lit pas le Coran? On ne lit pas. Comment est-ce que tu vas écouter ce qui est dit dans le Coran? Et donc il est important de lire le Coran, savoir ce qu'il contient. Étudier l'essence du Coran et de méditer quant au texte de la législation et méditer quant aux créations d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala qui dit après cela, fa'tarafu bidhanbihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Ils ont admis leur péché. Alors que les gens de la fournaise soient anéantis. Surkan, c'est-à-dire bourdan. Ils sont privés de tout bien. Que les gens de la fournaise soient privés de tout bien. Le fait d'admettre ses péchés après la mort n'est pas profitable. La yanfa'uhum dhalik. Voilà pourquoi, oh chers frères, il est important qu'on admette nos péchés, qu'on se repente. Allah tabaraka wa ta'ala, avant notre mort, on arrête là pour aujourd'hui, inshallah ta'ala, et on continue la semaine prochaine. Bi'idhnillahi ta'ala, waffaqallahu al-jami'a lima yuhibbu wa yardah, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa jazakumullahu khairan, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.